Eh bien, nous sommes avec David Elia. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de SIDAction et... Pardon ? Non, je ne suis pas directeur général de SIDAction. Bah, excusez-moi, alors c'est ce que je lis sur mon écran. Vous êtes donc gynécologue, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Et en tout cas, on va bien parler de SIDAction avec vous, on est bien d'accord ? Je n'en sais rien, parce que je n'ai que des idées générales, puisque je ne suis pas dans cette association, et je suis relativement, donc pas un militant de cette association, mais je peux avoir des idées comme tout citoyen et comme tout gynécologue. Bon, en tout cas, vous voulez réagir par rapport au déremboursement de cette affaire de déremboursement de la sécurité sociale pour les personnes atteintes d'une affection longue, longue durée, on est bien d'accord. Oui. Bon. Ben, c'est-à-dire que, d'abord, pour l'instant, c'est un projet qui va peut-être voir le jour, mais ce que je veux dire d'un point de vue général... On fait un peu marche arrière, il me semble. Oui, ce que je veux dire d'un point de vue général, c'est que, d'un point de vue général, et on va parler des ALD, c'est-à-dire des 30 maladies de longue durée, ALD, affections de longue durée, qui donnent droit à 100%, aussi bien pour les soins médicaux que pour la pharmacie. Et c'est évidemment très intéressant et très, très important pour les gens qui, les malades, les patients, les patientes, qui ont des traitements de longue durée, et qui, des traitements coûteux. Alors, par exemple, effectivement, le sida, ça coûte une fortune. S'il fallait même payer le ticket modérateur, ben, ça serait très cher. Il y a le cancer du sein, il y a la stérilité. Enfin, donc, il y a une trentaine de maladies pour lesquelles on a bien voulu accéder à un remboursement complet pour que les patients qui sont suivis pendant des années, souvent, ne déboursent pas de l'argent qu'ils n'ont pas. Mm-hmm. Mais d'un point de vue général, moi, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait un peu de secouer le cocotier du système de sécurité sociale dont on nous dit que c'est le meilleur du monde. C'est peut-être le meilleur du monde, j'aurais envie de dire c'est peut-être le moins mauvais du monde. Mais le problème est que chacun d'entre nous se rend bien compte qu'il y a un grave problème, à savoir que nous payons des cotisations absolument faramineuses les uns les autres, que cela a des conséquences sur le monde du travail, chez les employeurs, que ça a des conséquences chez les employés qui eux-mêmes ont une partie de leur salaire qui est amputée de façon importante pour des remboursements, alors cette fois-ci je ne parle plus de l'ALD, mais des remboursements de plus en plus faibles. On sait bien que si on n'a pas de mutuelle, on n'a pas les dents qu'il faut, on n'a pas les lunettes qu'il faut, et que il faut payer sa poche éventuellement. Et puis si on n'a pas les moyens d'avoir une mutuelle, eh ben on n'a pas les dents qu'il faut. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'en sais rien, et Dieu merci, je suis pas énarque et je ne suis pas au dossier, je suis pas aux affaires. Tout ce que je peux dire, c'est que dans mon petit coin de gynécologue, dans mon petit coin, ça veut dire dans mon cabinet, je vois bien qu'il y a un problème qui est que les patientes sont de moins en moins remboursées et que les cotisations, elles, sont de plus en plus fortes et que la charge et que la pression sociale des cotisations est de plus en plus forte. Donc, je me dis bien qu'il faut faire quelque chose. Et je ne sais pas, je ne veux pas jeter la pierre d'emblée à Sarkozy qui veut changer les choses. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on les change. Je ne sais pas comment les changer. C'est pas mon métier, je le répète. Dieu merci. Je ne voudrais pas, effectivement, que des gens qui sont en ALD ne soient plus remboursés. Je crois que le projet est bien plus ambitieux que ça. C'est à peu près tout ce que je vais dire. Je suis content qu'on essaie d'y toucher. Maintenant, je me demande si on n'aura pas 3 millions de personnes dans les rues dès qu'il y aura une virgule de changer dans les textes qui régissent le fonctionnement de notre bonne vieille sécurité sociale. Bon, en tout cas, c'est ce que je dis aux auditeurs, hein, quand ils me disent que cette émission devrait être remboursée par la Sécurité sociale, je leur réponds, oh non, non, non, ils ont déjà assez de mal comme ça. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'en effet, aimer, faire l'amour, ça nous maintient en bonne santé, donc je continue donc... Je ne pense pas que vous ne soyez jamais remboursé Sécu, et je n'y tiens pas. J'espère bien, parce qu'après, vous avez des obligations épouvantables, et vous allez rentrer dans un carcan épouvantable. Non, mais bref, ma pensée est que je ne veux pas forcément faire le procès négatif et faire de l'immobilisme en disant non, il faut rien changer. Bien sûr qu'il faut se méfier, bien sûr qu'il faut être méfiant, bien sûr qu'il ne faut pas que des pauvres gens qui n'ont pas d'argent et qui ont des maladies graves et importantes et des médicaments coûteux ne soient pas tout à coup dans l'impossibilité de se soigner, bien entendu. Mais quand même, on a un système qui aujourd'hui fonctionne plus très bien. Il prend l'eau de toutes parts. Et il y en aura un qui sera suffisamment courageux pour changer un peu les choses. Je suis bien d'accord avec vous, il faut faire quelque chose. Et je pense surtout que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce qui coûte à la sécurité sociale parce que justement, ils ne sortent même plus d'argent. Non, mais ils ne se rendent pas compte, mais c'est que la plupart d'entre nous ne rendons pas compte des cotisations que nous versons à la sécurité sociale. C'est-à-dire que nous sommes comme des gens qui payons des cotisations d'assurance. Bon, David Elia, vous êtes trompé d'émission, il faut aller dans les grandes gueules, là, parce que je crois que vous avez en effet envie de pousser un coup de gueule, et je le comprends. Et n'hésitez pas, hein, pourquoi mais pas. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Bon. Ce que j'ai fait. Moi, quand je mets une assurance dans ma voiture, quand j'ai un pet sur ma voiture, eh bien, j'aime bien que mon assureur me rembourse. Et là, c'est plus du tout le cas, et c'est de moins en moins le cas. Donc, il y a un truc qui ne va pas. C'est tout. Bon, écoutez, si quelqu'un a une bonne idée, hein, je crois que. Voilà, on est tous preneurs. Hein. Ouh là là là, il faut vraiment être narque et plus. Hein. Merci en tout cas, David Elia, d'avoir réagi. Au revoir. RMC.